Audiomatique. We'll be right back. C'est le duo anglais Fila Brasilia, formé de Steve Cobby et David McCherry, qui amorçait cette transition 1-3-6 d'Audiomatique avec leur composition de Spiwa, tirée de leur album Power Clown, paru en 1998. Sans la musique, il y aurait un vide existentiel. Les électronistes ne peuvent imaginer leur vie sans musique. Et c'est pourquoi ils laissent toute la place à la musique pour remplir ce qui ne serait autrement que néant.

C'est avec la pièce Ascent de la formation canadienne Noise Unit que se terminait cette séquence musicale. Cette pièce se retrouve sur l'album Decoder, paru en 1995. Et rappelons que Noise Unit constitue l'un des projets musicaux de Bill Leeb et Rhys Fulber, mieux connus grâce à Frontline Assembly et Delirium notamment. Avant Noise Unit, nous entendions The Orb et le Dance Mix 2 de la pièce Little Fluffy Clouds. Cette pièce paraît entre autres sur l'anthologie UFOF de Best of the Orb. Et pour amorcer la séquence de trois pièces, nous entendions le projet ISSD de l'artiste chilien Fabien Rubillard avec sa composition Saturation Tape 2. Celle-ci paraît sur la compilation Discos Cetaceos 2016. Allons-y maintenant à Audiomatique avec une nouveauté de la canadienne Feist. Thank you. joy. How long is that? 3,155,973,600 seconds. 876 million hours, or 36,500 days. Almost as long as one of those endless dark nights of the soul. Those nights that never end. When you believe you'll never see the sunrise again, and a single second feels like a century. Oh. Le groupe allemand de Fair Sex vient tout juste de nous interpréter à Audiomatic la chanson Cyberbite de leur album Labyrinth. Et pour débuter, on avait droit à Feist et la chanson Century, sur laquelle collabore Jarvis Cocker du groupe Pulp. Cette pièce provient de son plus récent album de Feist, intitulé Pleasure. Allons-y maintenant à Audiomatic avec le groupe péruvien Los Guayabera Sucia qui lance la prochaine séquence musicale. We'll be right back. Nous venons d'entendre M.I.A. et sa pièce Born Free tirée de son troisième album Maya, paru en 2010. Et avant, c'était le groupe péruvien Los Guayaberas Sucia et sa pièce La Primera qui se trouve sur l'album Guarapo Espacial. Pour conclure la transmission 1-3-6 d'Audiomatique, les électronistes s'en remettent au groupe australien Black Cab et le Paradox Mix de la chanson Surrender que l'on retrouve sur leur mini-album Surrender Remix EP qui est disponible gratuitement sur leur profil Bandcamp au blackcab.bandcamp.com. Les électronistes sont déjà impatients de vous présenter la transmission 1-3-7 qui se déroulera comme d'habitude en direct du studio de CFOU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. D'ici là, vous pouvez accéder aux choix musicaux des électronistes en tout temps et en tout lieu dans les univers numériques. Il s'agit seulement de nous retrouver sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique CFOU. Voici Black Cab et la pièce Surrender Paradox Mix. C'était Audiomatique, présenté par les électronistes.